à la merde. La tête dans les nuages, le pire en un visage. Vu que le mal se poste à chaque virage, du mal à admirer le paysage. Dans ce pays sale, où rares sont les sages, j'attends encore les bons présages. On passe pour des sauvages, nos cœurs sont pris en otage. Nos cultures sont victimes de sabotage. Tenez-vous prêts pour les avantages, une goutte de pluie ça déborde cash. À deux doigts du braquage, un plage une pour nos frères en cash. Courage, les darons ont espéré qu'on finisse pas comme ça. Je pensais pas non plus en arriver là, poussé au milieu des draps. Tu grandis bédra, tu retrouves vite dans de beaux draps. Écrasé par le poids des drames, joue comme un cerf à l'heure du brame. Rassons les froids où l'on gagne, donc en promenade le soleil comme souvent. J'aurais jamais pensé avoir besoin d'autant de pansements. Trop de pincements au cœur, sincèrement cette vie m'écœure. Les mamans nous voyaient avocats ou docteurs, mais dans le secteur, rien que des hustlers, harceleurs, recelleurs, distilleurs de substances en tout genre et à toute heure. Du vice acteur en pleine dans l'erreur, au deux de gamme de la misère, je suis devenu narrateur. Tu pensais pas avant que ça se produise. Le mec tout réservé des surprises. Sur un coup de tête, il se peut que ta vie se brise. Au de dame darkness, l'histoire a fait que nos minutes sont grises. Tu pensais pas avant que ça se produise. Le mec tout réservé des surprises. Sur un coup de tête, il se peut que ta vie se brise. Au de dame darkness, l'histoire a fait que nos minutes sont grises. J'ai tellement de désir, effacer mes cicatrices. Il faut de plaisir et tellement d'échecs qui me rendent si triste. J'aimerais tomber sur une femme pure afin de calmer mon mental de dur. Trouver un vrai travail rentable qui perdure. Accomplir mes prières, que plus rien me perturbe. Que mes rêves sont concrets, moi après comme un foutu peinture. Devenir une pointure du rap explosé. Rester durable et pas passer à la trappe, à toujours être exposé. Au danger, fâché, c'est jaloux quand j'ai été dans ce trou. C'est plus de chercher, plus qu'un cercueil pour me ranger. Je veux trouver une femme saine qui sache porter mes enfants. Avant que mon cœur saigne, que la misère me mette en sang. J'ai enterré dans mon jardin secret mes espoirs d'enfant. Je me suis consacré au rap, rien de concret, des promesses dans le vent. J'ai essayé d'y croire, mais la douleur m'a asséché. J'ai appris que l'amour ne se mouillait pas dans les cœurs desséchés. Tu pensais pas avant que ça se produise. Le mec tout réserve bien des surprises. Sur un coup de tête, il se peut que ta vie se brise. Au de dame darkness, l'histoire a fait que nos minutes sont grises. Tu pensais pas avant que ça se produise. Le mec tout réserve bien des surprises. Sur un coup de tête, il se peut que ta vie se brise. Au de dame darkness, l'histoire a fait que nos minutes sont grises. Je désire m'évader, m'échapper, m'ébater. Écarter les bâtards de ma vue, décharger la haine dans mes pages. Ma rancune a craché dans les faux. Pour mon vécu que mon rap se propage. Arracher le barreau, mettre au clair mon tableau. Jusqu'à 80 piges, garder le barreau. Sans pression, se marrer, mille façons de s'égarer. Je veux pas finir condamné dans une maison d'arrêt. Je désire passer du bon temps. Ne pas être l'esclave dépendant d'un patron mécontent. Rien à foutre et m'arrête, je fume des poudres. Je suis en quête d'évasion sur ma route. Lui porte ma ration de liberté. Tiens, prends une bouffée. Respire, je respire grâce au rap, mais vis pas de ce que je gratte. Avant que ma vie s'expire, je désire finir tous mes actes. T'y pensais pas avant que ça se produise. Le mec tout réserve bien des surprises. Sur un coup de tête, il se peut que ta vie se brise. Au de dame darkness, l'histoire a fait que nos minutes sont grises. T'y pensais pas avant que ça se produise. Le mec tout réserve bien des surprises. Sur un coup de tête, il se peut que ta vie se brise. Au de dame darkness, l'histoire a fait que nos minutes sont grises.